Caroline l'a levé au racontement. Izzy dormait tes rap dans mes slips. Pour y descendre en ville, les a fait chaud. Il paraît fort force depuis la guerre. Toutes gens m'ont tiré qu'on est dodo. Yo tout yo vini, yo tout veille là. Yo pas fou ben, mais yo bien content. C'est dodo par ci, dodo par là. Mais je dis pas jour comme tous les jours. Gendarme l'amène dodo à lui. Dodo caille paraît au tribunal. Je dis c'est pas jour comme tous les jours. Qui ça qui vivait dodo? Pour qui la loi derrière? Yo, yo dit tout GCG. Mais dans mon dernier gars. C'est l'homme. Si ma joie n'y compte yo. Mais ça qui passe vous souhaite en là. En vérité personne ne peut pas dire comment ça fait. En carré à ma joie tombée par y lever. En carrière, ma joie tombée, Paris levé, mais j'en dis pas jour comme tous les jours. Gendarme l'amène et dodo à lui. Dodo caille paraît au tribunal. J'en dis c'est pas jour comme tous les jours. Soyez en défense.